J'ai pas construit une chaîne. J'ai lancé un feu. Ramène au front un pseudo, non, un cri qui claque dans les tympans. Reader skill, c'est pas un nom sur Twitch, c'est un code, une vibe, un switch. Quand j'arrive, la cam tremble et les écrans deviennent ensemble. Ce stream, c'est pas du contenu, c'est une montée d'adrénaline. C'est vous, la tempête, c'est moi, la voix qui se lève quand tout s'éteint. Vous êtes là, Reader skill, on lâche pas. Vous cliquez, je frappe. Tapez, je rappe pas, je vous regarde, je vous ressens. C'est pas un stream, c'est du sang. Fake. Mon contenu se grave dans les wakes. Pas de programme, pas d'acteur, juste moi, vous et la chaleur. Même les haters savent pas où cliquer. Quand je suis en ligne, tout se met à bouger. J'ai pas besoin d'être vu pour briller. C'est vos cris qui font exploser. Ce que vous regardez. C'est pas un stream.